Une qui a de la chance, par André Theuriet. Elle se nommait Agathe et elle était bossue, un peu contrefaite, disaient les gens qui voulaient passer pour bienveillants. Orpheline et fille d'un industriel ruiné par la révolution de février, elle avait été recueillie à 12 ans chez un oncle maternel, riche fabricant de faïence, qui possédait une usine à Bourg-la-Reine et qui vivait confortablement avec ses 5 enfants et sa femme. Il avait été nommé tuteur d'Agathe, et comme il était très madré, lors de la liquidation des affaires de son beau-frère, il manœuvra si bien qu'il sauva du naufrage une 60 000 francs qu'on plaça solidement au nom de la mineure. « Elle a de la chance tout de même, » disait à qui voulait l'entendre le faïencier avec son gros rire. « Si son père eût vécu encore 2 ou 3 ans, il aurait tout mangé et elle se serait trouvée sur le pavé de Paris sans un rouge liard. » « Agathe, tu préférais avoir moins de chance et garder plus longtemps son père, qu'elle adorait et qui le lui rendait. » Les réflexions de l'oncle à ce sujet lui paraissaient cruelles et la révoltaient. Mais elle n'osait pas le laisser voir à cette famille qui l'hébergeait et faisait sonner bien haut les services rendus. N'était-elle pas traitée en enfant de la maison et ne recevait-elle pas la même éducation que ses cousines? À la vérité, on donnait à celle-ci des maîtres de danse et de piano, tandis que l'instruction d'Agathe était réduite au strict nécessaire. « À quoi bon se ruiner en talent d'agrément ?» objectait charitablement la tante. « Ces choses-là ne servent qu'aux filles à marier, et Agathe ne se mariera jamais. » Comme fiche de consolation, les cousines, qui n'avaient aucune disposition musicale et que le piano assommait, criaient à l'orpheline en rentrant du cours. « Je te conseille de te plaindre. On te dispense des leçons de solfège et d'accompagnement. T'es une vénarde, toi. » Agathe secouait mélancoliquement la tête. Au rebours de ses cousines, elle aimait la musique et elle eût été heureuse d'occuper ses heures de solitude avec un peu de chant ou de piano. La moindre phrase mélodique la remuait profondément et lui mouillait les yeux. Elle en était réduite le plus souvent à se contenter de la musique des pauvres. Des valses jouées par un orgue de barbarie qui passait parfois sur la route et dont les accords tremblés lui arrivaient par-dessus les arbres du jardin. Elle les écoutait avec ravissement. Au son rythmé de ses airs populaires, elle se forgeait d'invraisemblables rêves dont elle suivait les déroulements et les péripéties, bien loin sur la route, jusqu'au moment où les dernières modulations de l'orgue s'évanouissaient, assourdies par la distance ou étouffées par le bruit brutal des lourds chariots de rouliers. C'est dans cette atmosphère, correctement honnête, mais sèche et froide, que la première jeunesse d'Agathe s'écoula platement, monotonement, sans autres incidents que ceux d'une existence bourgeoise assez vulgaire. Les fêtes de l'oncle et de la tante, les premières communions des 2 plus jeunes cousines, le mariage de l'aîné avec le fils d'un gros pépiniériste de Châtenay, puis, de loin en loin, un dimanche passé à Paris. À 25 ans, Agathe était une fille peu gracieuse d'aspect, aux longs bras maigres, au buste carré, aux épaules remontantes. Parmi les gens de son entourage, elle passait pour laide. Mais un artiste sachant bien voir eût trouvé à sa figure un caractère singulièrement expressif et intéressant. Elle avait des traits délicats, un teint d'une blancheur rosée, avec de tendres teintes bleuâtres sous les paupières, un sourire attristé mais charmant, d'abondants cheveux bruns, fins comme de la soie, et surtout, 2 yeux azurés profonds, ayant la douceur lumineuse et veloutée de certaines gentianes bleues qui ouvrent leurs fleurs sans tige dans le voisinage des glaciers, de grands yeux méditatifs et humides qui semblaient toujours chercher à l'horizon quelque chose qui ne venait jamais. Et en effet, son horizon étroit restait toujours le même. La pauvre fille n'y voyait surgir rien d'inattendu, aucune mystérieuse étoile dont l'influence pût donner un essor nouveau à ses rêves, une lueur soudaine à ses journées décolérées. Toutes ses cousines s'étaient mariées l'une après l'autre. Elle avait vu, à des intervalles presque réguliers, les futurs gendres arrivaient dans la maison avec des sourires aimables et des regards discrètement attendris. Elle avait reçu les confidences des fiancés, couru les magasins pour l'achat de leur robe de noces, assisté à l'étalage de la corbeille, et, le jour du mariage à l'église, entendu 3 fois déjà cette marche nuptiale de Mendelssohn, qui chaque fois lui serrait le cœur. Ainsi, peu à peu, la maison s'était vidée. Au dernier départ, Agathe n'y put tenir, et tout en arrangeant les plis du voile blanc de la mariée, elle se mit à sangloter en présence de toutes les cousines et Bobby. Son chagrin éclatait violemment et bruyamment. c'était comme une grosse pluie qui crève tout d'un coup et menace de tout inonder. Ses parents en furent positivement choqués. « Voyons, disait-on pour la consoler, à quoi bon te mettre dans des états pareils? Tu sais bien que tu ne peux pas te marier et que tu n'es pas faite comme les autres. »« je sais, murmurait-elle entre deux sanglots. « Je sais que je suis condamnée à vivre seule, mais ça n'en est pas moins dur. Croyez-vous que je n'ai pas un cœur comme les autres ?»« Ah, les filles destinées à vieillir dans le célibat, que de navrantes et silencieuses tragédies se jouent au fond de leur âme. D'un côté, le devoir religieux, le respect d'elle-même et des lois mondaines, de l'autre, l'instinct de la maternité et le besoin d'aimer. Que de révoltes grondantes à apaiser, que de renoncements douloureux à subir. » Comme on doit pardonner à celle qui s'irrite et s'aigrisse, et comme on doit admirer celle qui, ayant bu jusqu'à la lie le calice amer, sont restées bonnes malgré tout. À la majorité d'Agathe, l'oncle lui avait rendu son compte de tutelle, mais bien qu'elle fût maintenant en possession de sa petite fortune, 3 000 francs de rente, elle continuait d'habiter la maison du fabricant de faïence. « D'ailleurs, où irais-tu ? » avait insinué la tante. Il n'est pas décent qu'une fille de ton âge vive en son particulier. Même avec ton infirmité, tu ne serais pas à l'abri de la critique. Et puis, qui te soignerait si tu tombais malade? Ici, du moins, tu es chaperonnée, choyée et mise dans du coton. Trouve-moi beaucoup d'orphelines dans ta position qui a la même chance que toi. Elle payait, il est vrai, cette hospitalité, en rendant la famille un tas de petits services qu'on savait adroitement exiger d'elle. Elle tenait les livres de dépenses, comptait avec la cuisinière, faisait à Paris les courses de l'oncle et de la tante, et en somme, jouait à peu près le rôle d'une femme de charge doublée d'une dame de compagnie. Lorsqu'il y avait une corvée exécutée, c'était toujours à elle qu'on s'adressait. « Confiez ça à Agathe, disait l'oncle, elle sera enchantée, elle qui n'a rien à faire. » Si l'une des cousines s'absentait pour aller au zoo ou en Suisse, elle se débarrassait de ses marmots au profit d'Agathe. « Ah, ma chère, s'écria-t-elle en adressant ses dernières recommandations à l'orpheline. « Tu es bien heureuse de n'avoir pas d'enfant, si tu savais quel ennui on a avec toute cette marmaille. » Et ainsi les années passaient, rapides encore que pesantes, et l'oncle continuait à vanter le bonheur dont sa nièce jouissait grâce à lui. « Elle mène une existence de coq en pâte, » conta-t-il aux amis de la maison. « Tout le monde est aux petits soins pour elle, et on la comble de cadeaux. » En effet, on avait pour principe, dans cette maison, de célébrer pompeusement les fêtes et les anniversaires, avec accompagnement de bouquets et de menus présents, et Agathe, faisant officiellement partie de la famille, n'était pas oubliée. Même l'oncle se creusait longtemps la tête, aux approches du 1er janvier ou de la fête de sa nièce, pour savoir ce qu'on pourrait bien donner à Agathe. Et il arrivait que cet homme pratique découvrait toujours quelques cadeaux à deux fins, pouvant être à la fois utile à la communauté, tout en gardant les apparences d'un présent offert à la bossue. Tantôt c'est un meuble choisi de telle sorte qu'il ne put se caser dans la petite chambre d'Agathe. On finissait par le descendre au salon où, justement, et comme par un heureux hasard, se trouvait pour lui une place à souhait, et il y restait. Une autre fois, c'était une cafetière en argent dont on faisait au jour de l'an la surprise à Agathe, qui ne savait comment remercier, et s'épuisait en effusions reconnaissantes. Seulement, 2 ou 3 semaines après, au moment de prendre le café, l'oncle s'écriait comme inspiré « Tiens, si on étrenait la cafetière d'Agathe !» La pauvre fille, toute heureuse, courait chercher sa cafetière soigneusement enveloppée dans de la ouate et la portait en triomphe. Chacun s'extasiait sur le fini du travail, sur le bon goût du donateur, et Agathe, en écoutant ses exclamations admiratrices, sentait de nouveau lui monter aux yeux des larmes de gratitude. Mais le soir, on oubliait de lui rendre cette précieuse pièce d'orfèvrerie qui se trouvait, par mégarde, enfermée avec l'argenterie de la famille. Des semaines se passaient, on ne parlait plus de rien. Puis un matin, en entrant dans la salle à manger, l'aîné s'apercevait la cafetière d'argent s'étalant en belle place dans la vitrine du buffet. Alors, stupéfaite, elle protestait timidement. « Mais c'est ma cafetière !»« sans doute, » répondait l'oncle. « Elle est toujours à toi, Agathe. Seulement, tu nous la prêtes. « Tu ne prends pas ton café là-haut, n'est-ce pas? Alors ne vaut-il pas mieux que ta cafetière soit dans la vitrine qu'au fond de ton placard? Au moins ici, tu peux la voir. » Agathe en convenait avec un soupir et tout était dit. On continuait de la combler de cadeaux qui prenaient tous insensiblement le même chemin que la cafetière. Et l'oncle continuait de proclamer qu'on ne rencontre pas souvent une famille pareille et que sa nièce devait se trouver rudement heureuse. Heureuse. Agathe crut pourtant l'être un jour pour de vrai. Elle avait alors passé sa 30e année et commença à ne plus faire figurer dans ses rêves cette chimérique aubaine de bonheur qu'elle avait longtemps attendue comme une compensation. Elle se résignait, et découvrant déjà quelques fils blancs dans ses cheveux bruns, elle s'efforçait de s'accoutumer chrétiennement à la solitude. Or, à cette même époque, l'oncle avait pour caissier un célibataire frisant la quarantaine nommé M. Godard. Ce Godard était un assez beau garçon, correct de tenue, toujours très soigné dans sa mise, et montrant beaucoup d'égard pour Agathe, dont il était chargé de toucher les coupons de rente. Il était affligé d'un commencement de calvitie, mais en revanche, il avait une opulente barbe blonde en éventail, des dents blanches et de beaux yeux très caressants, couleur noisette. Agathe avait déjà remarqué que les regards du caissier se tournaient vers elle avec une expression très affectueuse. M. Godard semblait rechercher toutes les occasions de lier conversation avec elle. Quand il lui parlait, sa voix avait des inflexions tendres qui chatouillaient doucement le cœur d'Agathe et lui faisaient peu à peu reprendre le fil des rêves d'autrefois. On a beau être mûre et contrefaite, on est toujours femme sur ce point-là. Et l'orpheline commençait à se préoccuper de Godard plus que de raison, quand tout à coup, il se déclara ouvertement et lui demanda si elle consentirait à devenir sa femme. Elle en fut d'abord tellement saisie qu'elle ne put trouver une réponse. Puis elle souleva timidement des objections. Elle ne songeait plus au mariage. Elle ne voulait pas se marier par convenance, et ne se faisant aucune illusion sur sa chétive personne, elle ne se croyait pas capable d'inspirer un sentiment assez sérieux pour être aimée. Dans ces conditions, elle préférait rester fille. Godard protesta de toutes ses forces. Il parla éloquemment des qualités morales qui valent bien les avantages physiques. Il fit délicatement allusion au charme des yeux d'Agathe. Il tourna de belles phrases sur l'union des âmes. Bref, il endoctrina si bien cette fille très naïve malgré la trentaine qu'elle fut persuadée de sa sincérité et qu'elle l'autorisa à parler de ses intentions à l'oncle et à la tante. Le faïencier commença par hausser les épaules et par jurer que sa nièce était folle. Puis, comme Agathe persistait et s'entêtait dans ses idées matrimoniales, et comme il était avant tout foncièrement égoïste, il finit par déclarer qu'elle était assez grande pour savoir se conduire, qu'il s'en lavait les mains et qu'elle agirait comme elle l'entendrait. Le mariage fut convenu. On l'avait déjà annoncé aux amis intimes. La date était à peu près fixée et le fiancé faisait sa cour assidûment. Agathe s'occupait avec une activité fébrile de son trousseau et de ses toilettes. Elle se sentait plus légère de moitié, nageait dans une félicité qui la rendait presque jolie, et avait des élans de tendresse exquise pour cet homme qui voulait bien l'associer à sa vie et à ses projets d'avenir. Elle recevait les compliments un peu ironiques de ses cousines avec une candeur bon enfant et une joie rougissante qui eussent touché des âmes moins étroites. On s'inquiétait déjà de rassembler les papiers nécessaires aux publications, quand un matin l'oncle entra tout ému dans la salle à manger. « Eh bien, ma fille, dit-il à Agathe, tu l'as échappé belle. C'est un joli monsieur que ton prétendu. »« Qu'y a-t-il donc ? » murmura Agathe, devenue très pâle. « Il y a que Godard puisait dans ma caisse pour jouer au baccarat. J'avais déjà remarqué des irrégularités dans ses comptes et je le surveillais depuis quelques jours. Il s'en est douté probablement. Hier soir, il est parti par l'express du Havre, en m'emportant 5 000 francs. Je ne le regrette pas trop, parce que cela t'empêche de faire une folie. Mais j'ai mis tout de même la gendarmerie aux trousses du voleur. Tu te serais trouvé dans de beaux draps, si on avait découvert le poteau rose qu'après ton mariage. Il faut convenir que tu as une rude chance, hein, avoue-le. » Elle n'avouait rien, étant tombée raide au bas de sa chaise. Quand elle l'eut mise au lit et qu'elle revint de son évanouissement, le délire l'a pris. Le médecin, appelé en hâte, déclara qu'elle avait un transport au cerveau et que le cas était grave. Très grave en effet, car la fièvre ne la quitta plus, et après 8 jours d'atroces douleurs cérébrales, elle mourut d'une méningite. On l'enterra par une claire matinée d'automne, un convoi tout blanc, avec des roses et des violettes blanches sur le drap du cercueil. Dans l'air, des fils de la Vierge déroulaient mollement leurs écheveaux argentés. L'oncle conduisait le deuil avec une figure de circonstance, convenablement contrite et méditative. « Elle ne s'est pas vue mourir, » murmura-t-il à l'ami qui lui donnait le bras. « Elle est partie sans avoir repris connaissance, et ça a été un bonheur pour elle. Enfin, voilà la vie. Les uns meurent, les autres restent, et ça n'empêche pas le soleil de briller. Quelle riche journée, hein ? Un temps d'or pour les vignes. La pauvre fille pourra se vanter là-haut d'avoir été posée en terre par un beau soleil. Elle aurait de la chance jusqu'au bout. C'était Une qui a de la chance, par André Theuriet.